Tu peux me croiser ici ou bien là-bas, je suis posé tout simplement de la East à la Sosa. Les haters parlent depuis qu'ils savent que la mixtape va sortir. Si je fais ça à l'ancienne, la viage passe à néantir. Bandana dans le point droit serré, je sais qu'il y a mal parlé. Grosse patate au lieu des checkers. Écoute ça, ça parle que de moi. Je bring the host of the cards of it, Joe et la killer. On m'a sorti de ma cage, on m'a dit faut les faire taire. J'ai répondu ça va fermer leur gueule qu'avec la tape. Tous opérationnels, je sais sur qui compter. Régler les comptes avant tout ça, c'est mes billets que je dois compter. Pour régler mes affaires, je vais pas parler longtemps. Toi dégage, c'est la relève, je crois que t'as fait ton temps. Ceux qui rappent sont ceux qui parlent mal. Je suis super héros du rap luxe, donc appelle-moi Rapman. Y'a des gars qui spinent pour Zoro et Signac. Fait que ceux qui comprennent ça sont les vrais gars de ce rap game. Billy Campton, Amon City, California, X-Town. J'ai même des gars du Blanche City. Ça parle de flingue, ça parle de gangbang. Fermez tous vos gueules, moi ceux qui sont les vrais dans ce game. Ça parle de bling bling et de grosses bagnoles. Arrête de parler, on connaît ta clip de guignol. Ça parle de flingue, ça parle de gangbang. Fermez tous vos gueules, moi ceux qui sont les vrais dans ce game. Ça parle de bling bling et de grosses bagnoles. Arrête de parler, on connaît ta clip de guignol. Les gars shoot masqués par un masque de scream. Toi t'arrives et tu fonds comme une ice cream. Les rappeurs promettent la lune mais n'ont pas la fusée. Mon stylo comme mon abonnement illimité. Toi tu fais le gars, mais tu ferais un son avec Alizé. Jésus devrait ressusciter. J'suis pas un petit gangsta de MySpace. Tu t'es pris pour Jay-Z alors que tes sons ils sont tout guest. Les gars rêvent tous de tester ma team. Si t'as mal parlé, même pas sûr tu vas rester en vie. Fume mon CD enfoiré, c'est du bon shit. Les rappeurs articulent, mais ça doit être à cause de ma bite. Ça parle de flingue, ça parle de gangbang. Fermez tous vos gueules, moi ceux qui sont les vrais dans ce game. Ça parle de bling bling et de grosses bagnoles. Arrête de parler, on connaît ta clip de guignol.